Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 4, colonne 5. Central Falls, Rhode Island. Il y a eu une bataille dans le voisinage de Switch House dimanche après dîner. Plusieurs individus se sont rossés d'importance et l'affaire terminée, chacun est parti avec ses coups dans la direction de son domicile. La paix s'est rétablie naturellement et sans l'intervention de la police, qui a souvent la mauvaise chance de se trouver là où il n'y a rien à faire. Louis Gélina, prévenu d'avoir vendu des liqueurs sans licence à Manville, a comparu devant le juge de police qui l'a condamné à $40 d'amende et 10 jours de prison. Il a été écroué. Mercredi dernier, tous les bouchers en gros et en détail et les épiciers de Providence, Pawtucket, Olneyville, Providence Est, Central Falls, Valley Falls et Lonsdale ont eu leur première grande excursion annuelle à la baie d'Oakland, où ils se sont amusés de la bonne manière. À 10 heures du matin, leurs magasins étaient tous fermés. George Bradley, de Valley Falls, est mort subitement dimanche dernier entre 6h et 7h du soir. Il souffrait de la maladie du foie depuis quelques semaines. Sa mort inattendue cause beaucoup de regrets. Robert Goelet, un millionnaire de New York, a donné un bal brillant lundi soir à l'occasion de l'ouverture de son nouveau cottage sur les falaises de Newport. Cette soirée a été considérée comme un événement de la saison, tant par la manière distinguée avec laquelle les choses ont été faites que par le grand nombre des invités. Plusieurs ouvriers de William Quinn's étant à travailler à réparer la maison de James Falls, rue Central, l'échelle sur laquelle ils se tenaient est cassée et l'un d'entre eux, du nom de Slade, est tombé sur le trottoir en se faisant une blessure douloureuse au pied droit. M. Solim Lapierre a la satisfaction de présenter ses remerciements à ses amis de Spencer pour leur encouragement et il les invite à aller le voir à Phoenix, Rhode Island, où ils seront les bienvenus. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.